Les marchés financiers mondiaux ont beau être sans dessus-dessous, secoués par la guerre en Europe, par les tensions entre la Chine et les États-Unis, par un ralentissement économique mondial et une inflation galopante combattue à coups de hausse des taux par les banques centrales, il y en a quand même qui continuent d'investir envers et contre tout. Depuis l'été dernier, il s'est passé beaucoup de choses sur les portefeuilles de nos vedettes de Wall Street. Warren Buffett et Michael Burry viennent encore de faire parler d'eux avec de nouveaux investissements et en faisant preuve d'un comportement surprenant, pendant que BlackRock, Bridgewater et d'autres grands fonds américains ont aussi réalisé plusieurs opérations de grande ampleur. L'étude des derniers mouvements sur les portefeuilles des super investors est un bon moyen de dégager quelques indices bien utiles pour savoir où placer son argent en ces temps incertains, et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant de démarrer, si vous souhaitez copier les investissements des milliardaires en achetant les actions qu'on va vous présenter dans cette vidéo, on vous recommande d'ouvrir un compte titre chez notre partenaire XTB. Pourquoi ? Tout simplement car il n'y a aucun frais de courtage sur l'achat et la vente d'actions. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez acheter et vendre des actions à partir de 10 euros, et ça gratuitement parmi plus de 3000 actions listées ainsi que plusieurs ETF. Pour ceux qui se demandent comment la plateforme se rémunère, sachez qu'XTB propose également un compte CFD qui permet d'échanger produits dérivés. Attention cependant, ce type d'investissement est risqué et réservé aux traders expérimentés et présente quant à lui des frais. C'est pourquoi on vous recommande de rester sur le compte titre pour investir à moyen et long terme en laissant travailler votre argent sereinement et gratuitement. En plus de ça, la plateforme dispose de l'une des meilleures interfaces pour investir, simple d'utilisation, intuitive et avec toutes les fonctionnalités avancées pour l'analyse technique. Elle conviendra autant aux débutants qu'aux investisseurs expérimentés. On vous met notre lien en description et si vous souhaitez tester la plateforme avant de vous lancer, commencez par ouvrir un compte démo, c'est gratuit. Fin d'automne, les feuilles ont presque toutes tombé, et les bourses aussi, mais la vie continue pour nos génies de la finance. Le Nasdaq, l'indice techno de New York, a perdu presque 30% depuis le début de l'année, le SP500 presque 17%, et le Dow Jones résiste mieux avec un petit moins 8%, des baisses de prix forcément intéressantes pour les investisseurs avisés, ceux qui achètent quand ça baisse et qui vendent quand ça monte, ceux qui savent détecter à partir de quel moment le prix d'une action est assez bas pour qu'elle devienne intéressante. Il y a des gens dont c'est justement le métier, comme nos gérants de fonds, que rien n'arrête dans leur quête de profit et de plus-value, pas même une menace nucléaire, une récession mondiale ou une crise financière. On commence du côté de chez BlackRock. Petit rappel, BlackRock, c'est l'entreprise qui possède toutes les autres. Avec un portefeuille déclaré au 30 septembre dernier composé de 5761 lignes et d'une valeur totale de 2940 milliards de dollars. Mais BlackRock, en réalité, c'est près de 8000 milliards de dollars d'encours répartis sur des milliers d'actifs différents, de l'action à l'immobilier en passant par le monétaire et l'investissement direct. Depuis l'été dernier, les gestionnaires du monstre de Larry Fink se sont pris d'une nouvelle passion pour les valeurs techno-américaines, plutôt abandonnées par les investisseurs depuis l'automne dernier, on peut le dire. Mais attention, pas n'importe lesquelles. En août, BlackRock a pris des participations dans Jupiter Power, Akayasha Energy et FreeWire Technologies, trois jeunes sociétés qui évoluent sur le marché très convoité du stockage d'énergie sur batterie, utile dans la transition énergétique vers le 100% renouvelable, le tout pour un peu moins d'un milliard de dollars. À Wall Street, on pense qu'il est temps de revenir sur des valeurs technologiques, particulièrement sur celles qui ont subi de fortes décotes depuis le début de l'année, et il n'y a pas que chez BlackRock qu'on en est convaincu. Beaucoup d'investisseurs sont nerveux à l'idée de mettre le moindre dollar sur la tech, mais d'autres gérants de fonds, chez Citibank, Tiger ou Berkshire Hathaway, y retournent avec beaucoup d'enthousiasme. Pour l'oracle d'Omaha, la légende vivante de Wall Street, Warren Buffett, après une correction sur le Nasdaq d'environ 30% en un an, il y a maintenant de très belles affaires à faire. Dans son portefeuille, près de 300 milliards de dollars sont actuellement investis dans une quarantaine de lignes. On retrouve toujours les mêmes rhinocéros en tête, Apple pour près de 42%, puis la Bank of America, Chevron, Coca-Cola et American Express qui à eux quatre représentent 33% du total des titres. Comme beaucoup d'autres grands investisseurs, Buffett avait commencé à se séparer de ses actions techno dès l'automne 2021, un mouvement de grande ampleur qui avait précipité tout le secteur dans la tourmente avant même le début de la guerre en Ukraine. Pourtant, le 14 novembre dernier, il s'est offert une participation de plus de 4,1 milliards de dollars au capital du numéro 1 mondial de la puce électronique, TSMC, qui entre pour l'occasion directement à la 10e place chez Berkshire Hathaway. Un produit stratégique qui a tendance à se faire rare par les temps qui courent. Warren a aussi déclaré 6 milliards de dollars partis pour le Japon. Il a misé sur 5 des plus importants groupes commerciaux japonais qu'on appelle là-bas des Sogo Shosha. Le groupe Mitsubishi, les grossistes en matières premières Mitsui et Marubeni, le conglomérat industriel Sumitomo et leur concurrent direct Itochu, tous cotés à la bourse de Tokyo. Berkshire prendra chacun d'eux 5% du capital. Il renforce également ses participations dans les grandes compagnies pétrolières américaines. 23 milliards de dollars de plus dans Chevron, au moment où le titre était au plus bas, entre 135 et 140 dollars, et qui depuis est remonté à 180 dollars. Il a aussi renforcé Occidental Petroleum de 2,6 milliards de dollars, à moins de 60 dollars le titre, contre 69 à l'heure actuelle. Warren Buffett fait ses plus belles affaires en période de crise, mais il n'y a pas que lui. Du côté de San José, sous le soleil californien, il y en a un autre qui s'est trouvé pris de fièvre acheteuse en dépit de la situation pas très encourageante des marchés, c'est Michael Burry. On connaît bien Michael, il a gagné son premier milliard en ne faisant rien, comme tout le monde. C'est lui le Big Short Man de 2008 et sa spécialité, c'est de repérer les trucs qui baissent pour se positionner à découvert avec son fonds d'investissement perso, Cyan Capital, et encaisser des plus-values délirantes quand le reste des investisseurs perd des fortunes. Alors pour lui, une crise comme celle que nous nous apprêtons à traverser, c'est une excellente nouvelle, c'est la Black Week, la foire aux actions, les soldes à Wall Street et sur Euronext, une grande période de fêtes et de profits qui s'ouvre. Cette crise-là, Mike en parlait déjà en février 2021 quand il prédisait d'un tweet « Préparez-vous à l'inflation ». Pour rappel, Mike, le lanceur d'alerte, parle de chute des marchés et de l'explosion de la bulle financière depuis 2019, mais personne ne l'a écouté. Puis la crise sanitaire a repoussé et amplifié l'événement, et maintenant, nous y sommes. Face à l'inflation, Mike savait déjà que la Fed ne pourrait pas manquer de réagir, et il a commencé à se préparer en prenant plusieurs dispositions plutôt étonnantes. D'abord, il s'est mis à shorter le secteur de l'innovation, avec une position vendeuse de 31 millions de dollars sur le tracker ARK Innovation, spécialisé dans les technologies disruptives. C'était à la fin du printemps dernier et nous vous en parlions ici même sur la chaîne. Depuis, le fonds ARK Genomics est passé d'environ 60 dollars à près de 35. Mais ce que nous ne savions pas encore, c'est qu'au même moment, il liquidait la totalité de ses actions pour ne conserver qu'une seule ligne. Alors que la majorité des 74 millions de dollars de Mike étaient investis dans les laboratoires Bristol-Myers, les loisirs avec Warner Bros. Et le site de réservation Booking, et dans Facebook, Google et le constructeur automobile Stellantis, tout a été vendu. Il n'a gardé que plus ou moins 4 millions de dollars de titres chez Geo Group, le gestionnaire privé de pénitenciers, un titre qu'il a renforcé de près de 11 millions cet automne. Mike a aussi réalisé près de 37 millions de dollars d'achats depuis la rentrée, alors que les marchés sont clairement dans le rouge, dont trois titres qui évoluent dans le secteur de la communication, la pire performance du SP500 cette année. Rien ne lui fait peur, et encore une fois, il avait bien vu. Voici la composition du portefeuille de Cyan Capital déclaré à la SEC, l'autorité américaine, le 14 novembre dernier, un peu plus de 41 millions de dollars répartis sur seulement 6 lignes. On retrouve Coors Civic, un autre gestionnaire de prison, acheté à 8,84 dollars et qui cote fin novembre plus de 12 dollars. Charter Communications, qui a été acheté à 303 dollars et qui en vaut déjà 23 de plus. Le groupe médiatique Curate Retail a acheté à 2,01 dollars et n'a pas encore exprimé son potentiel. La branche sud-américaine de l'autre empire médiatique US, Liberty, dont le titre est passé de 6 à 7,76 dollars. Le constructeur de moteurs pour fusées Aerojet Rocketdyne, un titre qui vaut aujourd'hui près de 50 dollars, acheté à 39. Et enfin, le groupe pénitentiaire Géo, dont le prix d'achat moyen est de 7,70 dollars pour une cote de 10,55 dollars. Soit respectivement plus 35%, plus 7,6%, plus 1,5%, plus 29,7%, plus 30,7% et plus 37%, contre un SP500 qui performe seulement de 3% depuis le 15 juillet dernier. C'est ce qu'on appelle une démonstration. Inflation il y a eu et hausse des taux directeurs aussi, puis une vague de panique sur les bourses américaines, une aubaine pour ceux qui achètent quand tout le monde vend. Une autre des vedettes de Money Radar, celle que l'on cite souvent sur la chaîne, c'est Ray Dalio. Ray est le patron de Bridgewater Associates, sa compagnie d'investissement fondée il y a presque 50 ans. Et son fonds vedette, All Weather, célèbre pour résister à toutes les tempêtes économiques, a fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Là encore, quand la situation est floue, Ray apporte souvent la lumière qu'il trouve lui-même dans ses séances de méditation transcendantale. Alors que beaucoup de stratégies d'investissement restent centrées sur les marchés financiers, Ray, lui, a une vision beaucoup plus globale des interactions entre la finance, l'économie, l'humain et l'environnement. On dit de lui qu'il est un macro-investisseur mondial. Le portefeuille de Bridgewater au 30 septembre dernier, c'est presque 20 milliards de dollars répartis sur 866 actions, donc quasiment 20% sur 5 lignes seulement. Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Pepsi, Coca-Cola et un ETF, le MSCI Energy. Il se caractérise par une intense diversification sur près de 130 secteurs économiques. Celui de la santé occupe la troisième place par ordre d'importance et justement, Ray a réalisé un gros arbitrage au début de l'été. Il a liquidé pour environ 214 millions de dollars d'actions des laboratoires Medtronic, spécialiste des technologies médicales domestiques, inventeur du pacemaker portable dans les années 50, leader des pompes à insuline, des stimulateurs neuronaux ou des défibrillateurs à destination du grand public. Medtronic a beau dominer son secteur, il est visé par plusieurs plaintes concernant des appareils défectueux et sa rentabilité pourrait en être affectée, alors pas question de prendre de risques. Ray liquide aussi ses plus grosses participations dans Berkshire Hathaway et la banque JP Morgan, le tout pour plus ou moins 165 millions de dollars. Côté achat, l'opération qui a fait le plus de bruit est sans aucun doute Visa, presque 145 millions de dollars. Avec une marge d'exploitation supérieure à 65% et un taux de croissance du bénéfice par action de près de 10% par an en 3 ans, Visa est toujours le leader des cartes de paiement aux États-Unis. Comme ses activités augmentent mécaniquement avec l'inflation, elle devient bigrement intéressante. Ray a acheté à 187 dollars et il enregistre déjà une plus-value de près de 13%, encore largement inférieure au potentiel qu'il a pu détecter. Il renforce aussi Johnson & Johnson, Google et Microsoft, à hauteur respectivement de 67, 49 et 47 millions de dollars. Trois sociétés considérées comme antifragiles et dont les perspectives sont toujours positives. Après avoir dégringolé de 26% en un an, Microsoft se relève depuis le début du mois. Quant à Johnson & Johnson, on connaît déjà l'affection que porte Ray au lessivier qui représente dorénavant 3,8% du portefeuille de Bridgewater et qui enregistre aussi presque 9% de plus-value latente. Ray Dalio aussi sait ce qu'il faut acheter et quand il faut l'acheter. Et comme Mike Burry ou Warren Buffett, ce n'est certainement pas un enchaînement de catastrophes mondiales qui va pénaliser les profits. Globalement, nos autres grands investisseurs préférés n'ont même pas ralenti leurs activités. Voici les plus grosses opérations d'achat réalisées dans le courant de l'été. Près de 10 milliards d'actions de chez Microsoft ont pris place dans le portefeuille de la fondation Bill Gates, avec 4,9 milliards de dollars supplémentaires de la Canadian Railway Corporation et 2,6 milliards de titres du gestionnaire de déchets Waste Management. TSMC, le géant taïwanais du semi-conducteur, fait son apparition chez Warren Buffett pour plus de 4 milliards de dollars, mais aussi pour 215 millions de dollars chez Deux Sigma. Dodge et Cox s'offrent pour plus d'un milliard de dollars d'actions d'Amazon et BlackRock prend 1,4 milliard chez Tesla. Comparé à cette boulimie d'actions, les montants des ventes font pâle figure. BlackRock, plus gros propriétaire de GAFA, se sépare de 1,6 milliard de dollars d'actions Apple et 908 millions de dollars de chez Microsoft. C'est lui le plus gros vendeur de cet été 2022, un été, je vous le rappelle, à l'inquiétante saveur de sécheresse et de tensions diplomatiques. Alors, récapitulons. Les bourses sont en baisse depuis le début de l'année, récession, inflation et hausse des taux oblige, avec les pires mentions pour les secteurs de la technologie et celui de la communication. Les super investors décidément bien informés ont quitté le navire juste avant le naufrage à l'automne dernier et y reviennent maintenant que la tempête est passée avec de gros investissements essentiellement green tech. Les GAFA restent des valeurs refuges, toujours très échangées, et la crise inflationniste change les perspectives de sociétés comme Visa, dont le prix a été malmené en bourse et qui fait partie des belles affaires à saisir. La morale dans tout ça, c'est que ce n'est pas parce que le climat économique est défavorable, que le pouvoir d'achat est en berne ou que les bourses s'effondrent, qu'il faut cesser d'investir, bien au contraire. Acheter quand les autres vendent et vendre quand les autres achètent, c'est un bon moyen de préserver un patrimoine et c'est le secret de tous les milliardaires que je viens de vous citer. Pour eux, vous l'avez compris, les crises apportent toujours leur lot de formidables opportunités avec des actions de sociétés solides et prometteuses à prix bradé et plein d'occasions de gagner de l'argent. Mais attention, ils ont un autre secret, la patience. Car oui, comme Paris, la fortune de nos boss de la bourse ne s'est pas faite en un jour et leur stratégie ne peut s'envisager qu'à long terme. Elle n'est pas du tout adaptée aux objectifs purement spéculatifs, surtout si vous prévoyez de récupérer vos fonds avant Noël prochain. Comme toujours, il n'est pas question ici de vous inciter à acheter des actions, mais simplement de vous montrer comment les choses se passent pour les plus célèbres traders et comment ils arbitrent leur portefeuille pour résister à la crise. Vous pouvez vous en inspirer ou simplement les observer pour en tirer de bonnes leçons. Et si vous souhaitez passer à l'action en reproduisant les achats des plus célèbres investisseurs, alors faites un tour sur la plateforme XTB pour faire vos emplettes de fin d'année sans aucun frais. Ils sont sans aucun doute l'un des meilleurs courtiers du marché. Niveau fiabilité, XTB existe depuis plus de 20 ans et est régulé par l'autorité des marchés en France. On vous met notre lien en description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la plateforme et pensez à nous dire en commentaire quelles sont, selon vous, les réactions les plus prometteuses du moment. Si vous avez envie d'en savoir plus et de connaître les grands principes de ces stratégies, je vous invite à aller voir ou revoir les vidéos que nous avons consacrées à Warren Buffett, à la gestion All Weather de Ray Dalio et aux facéties de Mike Burry. On vous remercie encore pour votre fidélité et pour tous vos commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Money Radar.